Deutéronome chapitre 23. Celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Le Ammonite et le Moabite, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même leur dixième génération, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel à jamais. Parce qu'ils ne sont point venus au devant de vous avec du pain et de l'eau dans le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, et par ceci qu'ils ont loué, à prix d'argent contre vous, Balaam fils de Béor, de la ville de Pétor en Mésopotamie, pour vous maudire. Mais l'Éternel ton Dieu ne voulut point écouter Balaam, mais l'Éternel ton Dieu convertit la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu t'aime. Tu ne chercheras jamais, tant que tu vivras, leur paix, ni leur bien. Tu n'auras point en abomination l'Iduméen, car il est ton frère, tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger en son pays. Les enfants qui leur naîtront en la troisième génération, entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Quand tu marcheras en armes contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne soit point net, pour quelque accident qui lui soit arrivé de nuit, alors il sortira du camp, et il n'entrera point dans le camp, et sur le soir il se lavera d'eau, et sitôt que le soleil sera couché, il rentrera dans le camp. Tu auras quelque endroit hors du camp, et tu sortiras là-dehors. Et tu auras un pic entre tes ustensiles, et, quand tu voudras t'asseoir dehors, tu creuseras avec ce pic, puis tu t'en retourneras après avoir couvert ce qui sera sorti de toi. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer, et pour livrer tes ennemis devant toi, que tout ton camp donc soit saint, afin qu'il ne voie en toi aucune impureté, et qu'il ne se détourne de toi. Tu ne livreras point à son maître, le serviteur qui se sera sauvé chez toi d'avec son maître, mais il demeurera avec toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il aura choisi en l'une de tes villes, là où bon lui semblera, tu ne le chagrineras point. Qu'il n'y ait point entre les filles d'Israël aucune prostituée, ni entre les fils d'Israël aucun prostitué à paillardise. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu pour aucun vœu, le salaire d'une paillarde, ni le prix d'un chien, car ces deux choses sont en abomination devant l'Éternel ton Dieu. Tu ne prêteras point à usure à ton frère, soit à usure d'argent, soit à usure de vivres, soit à usure de quelque autre chose, que ce soit qu'on prête à usure. Tu prêteras bien à usure à l'étranger, mais tu ne prêteras point à usure à ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu, te bénisse en tout ce à quoi tu mettras la main, dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. Quand tu auras voué un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait point de te le redemander, ainsi il y aurait du péché en toi. Mais quand tu t'abstiendras de vouer, il n'y aura pas pour cela de péché en toi. Tu prendras garde de faire ce que tu auras proféré de ta bouche, ainsi que tu l'auras voué de ton bon gré à l'Éternel ton Dieu, ce que tu auras, dis-je, prononcé de ta bouche. Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras bien manger des raisins selon ton appétit, jusqu'à en être rassasié, mais tu n'en mettras point dans ton vaisseau. Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu pourras bien arracher les épis avec ta main, mais tu ne mettras point la faucille dans les blés de ton prochain.